course au trésor. Pendant 40 ans à chercher de l'or. Dans ta mine, sacrée mine, juste au pied de la colline, t'as passé des années à rêver. Sacré John, on te disait grand-père, Astrala, tu traverseras la terre. En creusant de cette façon, tu te retrouveras au Japon, avant que tu n'aies trouvé ton filon. Tu avais tellement creusé, retourné la terre, que la colline était trouée comme une termitière. Mais un jour un bruit extraordinaire remua d'un coup la ville entière. T'avais trouvé une pépite, bien sûr elle était petite, mais pour toi c'était une réussite. T'as échangé à Johnny ta fortune contre un litre de whisky. Oui, mais après tant d'efforts, ta joie de trouver de l'or fut si grande que ce jour-là t'es mort. Sacré Joe, quelquefois quand ça va mal, que l'on voudrait bien tout laisser choir, de ton or, le prix de tous tes efforts, on recommence à croire à l'espoir.